بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس السابع عشر on commence aujourd'hui le cours numéro 17 في شرح أصول الإيمان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى dans l'explication de l'épître Usulul Iman, les fondements de la foi, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, il nous dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري. Et donc l'auteur nous dit selon Abi Hurairah radiallahu anhu qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah saisira la terre et va plier les cieux, va plier le ciel dans sa main droite, puis il dira, je suis El-Malik, le roi, où sont les rois de la terre, rapporté par El-Bukhari. Fin de citation. J'attire l'attention pour dire que le hadith, il est aussi cité dans Sahih Muslim, et donc il est muttafaqun alayh. هذا الحديث فيه الدلالة على عظمة الله وأن المخلوقات حقيرة. Il y a donc dans ce hadith la preuve qui montre la majesté d'Allah tabaraka wa ta'ala et que les créatures sont méprisables à côté de lui. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقبض ويطوي ويتكلم وفيه إثبات اليد اليمنى لله تعالى. Il y a dans le hadith le fait que Allah Ta'ala il saisit, il plie, il parle, et il y a aussi le fait d'affirmer la main droite pour Allah Ta'ala. فأهل البدع أنكروا هذه الصفات فهم كلهم داخلون في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. Les gens de l'innovation, ils ont nié ces attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont tous rentrer dans le verset, la parole d'Allah ta'ala وما قدر الله حق قدره. Ils n'ont pas apprécié Allah comme il le mérite. ثم قال المؤلف رحمه الله وله. Ensuite l'auteur il nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit, et aussi, donc, rapporté par lui-même, c'est-à-dire par Al-Bukhari. Ce hadith aussi est rapporté par Muslim, donc muttafaqun alayh. An ibn Umar radiallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, inna allaha yakbidu yawm al-qiyamati al-aradin, wa takunu samawatu biyaminih, thumma yakulu ana al-malik. Et donc selon Ibn Omar radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah saisira la terre, Allah saisira au jour de la résurrection les terres, et les cieux seront dans sa main droite, et il dira, Ana al-Malik, je suis le roi. هذا الحديث والذي قبله فيهما إثبات اسم الله الملك. Il y a dans ce hadith, et le hadith précédent, le premier qu'on a lu aujourd'hui, il y a le fait d'affirmer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, El-Malik, le roi. Amma muluku dunya, fa mulkuhum qasirun ala baladin mu'ayyan, aw qit'atin mu'ayyana min al-ard. En ce qui concerne les rois de la dunya, les rois de la terre, ici-bas, alors leur royauté est limité à un pays spécifique ou une part spécifique de la terre. وَقَدْ يَحْصُلُ فِي مُلْكِهِمْ مَا لَا يُرِيدُونَ. Et il se peut que ces rois sur terre, il se peut qu'il se passe dans leur royaume ce qu'ils ne veulent pas. Il se peut qu'il se passe dans leur royaume ce dont ils ne veulent pas. وَقَدْ يَزُولُ عَنْهُمْ هَذَا الْمُلْكِ. Et il se peut que cette royauté dont ils possèdent, cette royauté qu'ils possèdent, il se peut qu'elle s'en aille, qu'elle disparaisse. أَمَّا اللَّهُ تَعَالَى فَمُلْكُهُ تَامٌ. En ce qui concerne Allah Ta'ala, alors sa royauté est parfaite. Allah Ta'ala, il dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis, ô Allah, le maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu avilis qui tu veux. Le bien est entre tes mains. Et certes, tu fais tout ce que tu veux. Tu es capable de toute chose. Fumma qala al-mu'allif. Ensuite, l'auteur, il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa fi riwayatin anhu. Et dans une narration, dans une autre narration, selon lui, donc ici, donc, Ibn Umar radiallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به رواه أحمد رواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الله سماواته وأراضيه بيمينه ويقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le temps il nous dit, رحمه الله سلام عمر رضي الله عنهما, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a récité un jour ces versets alors qu'il était sur le mimbar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et ils n'ont pas apprécié Allah comme il se doit. Et la terre tout entière, il en fera une poignée au jour de la résurrection. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'ils associent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, il faisait comme cela avec sa main, il la bougeait. Il bougeait sa main, il la mettait en avant et en arrière. Et le Seigneur, le prophète, il disait sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ça, il disait sallallahu alayhi wa sallam, le Seigneur vante ses mérites. Il vante ses propres mérites en disant « Ana al-Jabbar, je suis al-Jabbar, celui qui contraint toutes ses créatures à faire ce qu'il veut. Et toutes ses créatures sont soumises à lui. Ana al-Mutakabbir, je suis le suprême. Je suis le suprême. Ana al-Aziz, je suis le tout-puissant. Ana al-Karim, je suis le noble, le généreux. Farajafa. » Alors, le minbar a commencé à trembler avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que nous dire, est-ce qu'il va se briser? Est-ce qu'il va se briser et tomber avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ahmed. Et l'imam Muslim l'a cité dans son recueil selon Ubaydullah ibn Muqsam, qui dit, il dit, j'ai regardé Abdullah ibn Omar lorsqu'il racontait cela, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, Allah saisira les cieux ainsi que les terres de sa main droite. Allah les prendra, il les saisira et il dira, Anal Malik, je suis le roi. Je suis le roi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il pliait ses droits et les tendait, le messager d'Allah. Il ouvrait, et donc fermait sa main et l'ouvrait, sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, An al Malik, je suis le roi. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète qui cite la parole d'Allah, je suis le roi, jusqu'à ce que je regarde le mimbar qui bougeait, qui tremblait en bas, tout en bas du mimbar, jusqu'à ce que nous dire, est-ce que celui-ci va tomber avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Fi hadhayn al-hadithayn, mithlu ma bayyanahu sabiqan. Il y a dans ces deux hadiths les mêmes éléments que nous avons montrés précédemment dans le cours d'aujourd'hui. Wa fihima aidan ithbatu al-idraki ay anna al-idraka mawjudun fil jamadat likawni hadha al-minbar ihtazza haybatan min Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi dans ces deux hadiths le fait d'affirmer les sens, les attributs sensoriels pour les choses inanimées. Les choses inanimées ont aussi les sens à cause du fait que le mimbar, donc le mimbar qui est en bois, le mimbar, il a tremblé par frayeur envers Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces paroles concernant Allah tabaraka wa ta'ala qui dira « An al-Malik, je suis le roi, An al-Jabbar, An al-Mutakabbir » Alors le mimbar a tremblé. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura » Il n'y a nulle chose sans qu'elle loue, sans qu'elle prononce, sans qu'elle glorifie Allah tabaraka wa ta'ala et qu'elle le loue. Cependant, vous ne comprenez pas leur glorification. Vous ne comprenez pas leur glorification. Et donc, fal jamadat, fal makhlouqat, kulluha tusabbihu Allah ta'ala. Toutes les créatures vont glorifier Allah tabaraka wa ta'ala bilughatiha allati la nafhamuha nahnu. Toutes les créatures vont glorifier Allah tabaraka wa ta'ala, mais avec leur langue que nous ne comprenons pas. Cette chaise sur laquelle tu es posé, ce bureau sur lequel tu t'appuies, cet appareil que tu as dans tes mains, toute chose glorifie Allah tabaraka wa ta'ala. Cependant, nous n'avons pas la capacité de comprendre leur glorification. Wa fil hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayyana bi yadihi fa qabada asabi'ahu wa basataha. Il y a dans le hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré, a expliqué avec ses mains. Il a donc fermé sa main et il l'a ouverte. لِيُبَيِّنَ أَنَّ اللَّهَ يَكْبِضُ وَيَبْسُطُ حَقِيقَةً. Pour montrer que Allah, il ferme et étend. Allah Azza wa Jal, il saisit réellement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré cela avec ses mains pour nous faire comprendre que Allah, cet attribut, est un attribut d'Allah réellement. وَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ هَتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ. Il y a en cela une réplique à tous ceux qui ont rejeté ces deux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَشْبِيهٌ بَيْنَ يَدِ الْمَخْلُوقِ وَيَدِ الْخَالِقِ. Il n'y a en cela l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas en cela le fait de ressembler la main, de chercher à faire ressembler la main de la créature et la main d'Allah le créateur. Nous ne disons pas donc que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme la main d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innama huwa bayanun ithbati sifati haqiqatan. Cependant, cela c'est pour montrer l'affirmation de cet attribut réellement. Pour qu'on ne dise pas, non, ce qui est voulu par là, c'est pas que Allah il saisit de sa main, c'est pas ce qui est voulu par là, c'est autre chose. Non, le prophète a rejeté cette ambiguïté en montrant de sa propre main ce qu'il voulait dire par là. Wa uhibbu huna an arji'a ma'akum ila ma yata'allaqu bil mulk. Et j'aimerais ici, avant de conclure, revenir avec vous au sujet de el mulk, la royauté. وَهِيَ صِفَةٌ مِنْ صِفَةِ اللَّهِ. Et c'est un attribut parmi les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. فَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فِي مُلْكِهِ لَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْ مُلْكِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah fait ce qu'il veut dans son royaume. Personne ne peut sortir de la volonté ou de la puissance, de la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut faire réellement ce qu'il veut. Personne ne peut faire ce que Allah ne veut pas dans son royaume. Si Allah ne veut pas que quelque chose se produise dans son royaume, alors cette chose ne se produira pas. Nous dépendons tous d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala qui nous dit dans son livre, الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. C'est celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Et il ne s'est attribué aucun enfant et n'a pris aucun associé dans la royauté. Allah tabaraka wa ta'ala n'a nul besoin de quelconque associé, comme l'ont prétendu les chrétiens, avec Isa alayhi salam, disant donc que Isa est l'enfant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah amma yakuloun. Allah est au-dessus, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'ils disent et de ce qu'ils croient. Allah n'a besoin de quelconque associé dans son royaume. Il fait ce qu'il veut. وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ كَذَلِكَ الْمَالِكِ. Il y a parmi les noms d'Allah aussi الْمَالِكِ. Et donc on a الْمَالِكِ et on a aussi الْمَالِكِ. وَالْمَالِكِ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي الشَّيْءِ بِفِعْلِهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ. الْمَالِكِ, c'est celui qui fait ce qu'il veut de la chose, car il la possède. Al-Malik, celui qui fait ce qu'il veut d'une chose, car il la possède. Tu possèdes quelque chose, tu en fais ce que tu veux. Amma al-Malik, فهو الذي يتصرف في الشيء بفعله وأمره. En ce qui concerne Al-Malik, le nom d'Allah Al-Malik, ce mot-là, Al-Malik, cela signifie donc celui qui fait ce qu'il veut d'une chose, par son action, donc il en fait ce qu'il veut, mais aussi par son ordre. Il ordonne ce qu'il veut. Et donc ça, c'est là qu'on a le sens de la royauté, le roi. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ وَيَأْمُرُ بِمَا يُرِيدُ. Et donc Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut dans son royaume. Et il ordonne ce qu'il veut. Même si certains peuvent se fâcher, peuvent être contrariés concernant la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais Allah fait ce qu'il veut et il ordonne ce qu'il veut. Et ce n'est pas à nous, les créatures, de juger et de dire ceci est bien, ceci n'est pas bien, ceci est bien dans la législation musulmane, ceci n'est pas bien, etc. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Son jugement est parfait. Il fait ce qu'il veut. C'est lui, El Malik. C'est lui, le roi. Que vous l'acceptiez ou non. أما نحن عباده فيجب علينا الطاعة. En ce qui nous concerne, nous, les créatures, il nous est obligatoire d'obéir. وهذا هو معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. Et c'est ça la signification de la parole d'Allah Ta'ala. Excusez-moi, c'est ça la signification de la parole que nous répétons régulièrement, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est aussi une parole du Coran. À chaque fois que une personne va être touchée par un mal, souvent par la mort de quelqu'un, alors cette personne va dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce n'est pas que par la mort, mais c'est tout mal qui te touche, toute difficulté qui vient te toucher, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Que signifie cette parole? Que signifie cette parole? Les gens, à chaque fois, ils la prononcent. Des imams yakulunaha. À chaque fois qu'ils entendent que quelqu'un est mort, un tel est mort à tel endroit. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un tel est mort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À tel point que parfois, si une personne ne le dit pas, les gens vont dire, mais subhanallah, t'as entendu, il est mort. Pourquoi tu ne dis pas inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Ça veut dire quoi? Que signifie cette parole? Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. فَإِنَّا لِلَّهِ نَحْنُ مِلْكُنْ لَهُ. Certes, nous appartenons à Allah. Nous appartenons à Allah. Nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons. فَيَفْعَلُوا بِنَا مَيُرِيدُ. Alors, il fait de nous ce qu'il veut. Vu que nous, on lui appartient, il fait de nous ce qu'il veut. Dès que tu as quelque chose qui te touche, un mal qui te touche, rappelle-toi de cela. Allah Ta'ala fait de nous ce qu'il veut. Inna lillah. Certes, nous appartenons à Allah. Wa hadha ya'ni kadhalika annana nuti'uhu. Et cela signifie aussi que nous lui obéissions. Car nous lui appartenons, nous milkun lahu, wa l'abdu yajibu an yuti'a malikahu. Et donc, l'esclave, il est obligatoire, impératif, qu'il obéisse à son maître. Nous appartenons à Allah Ta'ala. Et donc, il fait de nous ce qu'il veut, premièrement. Et deuxièmement, nous devons absolument lui obéir. Parce que nous lui appartenons. Il fait ce qu'il veut de nous. Inna lillah. Ensuite, la partie inna ilayhi raji'un. Certes, c'est vers lui que nous retournerons. Ay annana muhasabun. C'est-à-dire que nous allons être jugés. Question. هل نحن محاسبون على ما فعله الله بنا أو ما فعلناه نحن؟ Est-ce que nous serons jugés concernant ce qu'Allah a fait de nous ou concernant ce que nous avons fait? On a vu la première partie. Inna lillah, certes nous appartenons à Allah. Cela qui signifie que Allah fait de nous, cela signifie deux choses. La première, c'est que Allah, il fait de nous ce qu'il veut. La deuxième, c'est que nous devons lui obéir. Parce que nous sommes ses esclaves. Nous sommes sa propriété. nous lui appartenons. Et donc, il fait de nous ce qu'il veut, mais nous, nous devons lui obéir. Deuxième partie, c'est vers lui que nous retournerons pour être jugés. Est-ce que nous serons jugés concernant ce que lui, il a fait de nous? Ce qu'il nous a accordé, ce qu'il nous a donné, hein? Ce qu'il nous a retiré, ce qu'il nous a enlevé? Est-ce que nous serons jugés par rapport à cela? Là, abadan, non. C'est nous hasab ala ma fa'alnahu nahnu. Nous serons jugés en fonction de ce que nous, nous avons fait. En fonction de ce que nous, nous avons fait. فَلَعَبْدُ حِينَمَا يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَيَذْكُرُ إِنَّهُ لَهُ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعَ فَيَزْدَادُ طَاعَةً لِرَبِّهِ. Et donc le serviteur, lorsqu'il y a un mal qui le touche, il se rappelle qu'il appartient à son Seigneur. Il se rappelle qu'il retournera vers celui-ci. Et comme cela, il augmente son obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Majestueux. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on continue dans l'explication de ce livre très important. La semaine prochaine, وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.